Écoutez maintenant le souffle tubaire. Il ressemble au bruit trachéobronchique, mais il est entendu en périphérie du poumon. Notez sur cet enregistrement la présence de crépitants inspiratoires. Écoutez encore le souffle tubaire.